poche vide, tu es mon trésor. Et même si l'amour me guide, crois vers la mort. Et même si j'ai poche.